quatrième et dernier temps de notre série sur l'internationalisme. En ce jeudi, notre documentaire se souvient qu'il y a 20 ans, en 1998, se lançait l'association ATTAC. Je ne sais si ce week-end, à la fête de l'humanité, on débattra avec intensité, comme ce fut le cas il y a quelques années, d'une taxe sur les transactions financières, dite taxe Tobin. L'idée de cette taxe a été le moteur de la création et du développement de l'association ATTAC à partir d'un article publié en décembre 1997 dans Le Monde diplomatique. C'est cette histoire que raconte le documentaire ce matin dans la Fabrique de l'Histoire de Romain Masson et de Séverine Cassard, numéro 525 du Monde diplomatique, la naissance de l'association ATTAC. Avec les témoignages d'Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Christophe Ventura, Annick Coupé, Aurélie Trouvé, Philippe Duchâtel et Marc Le Glatin. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Numéro 525 du Monde diplomatique, la naissance de l'association ATTAC. C'est dans ATTAC que tout ce beau monde pouvait travailler ensemble, se retrouver. Vous aviez des syndicalistes de renom, des dirigeants politiques, des députés qui étaient dans ATTAC, vous aviez des sénateurs, vous aviez des maires qui étaient dans ATTAC, des anarchistes libertaires anti-État qui étaient dans ATTAC, vous aviez des ONG modérées, très droits de l'hommiste, et dans ma bouche, c'est pas un compliment, qui étaient là. Et pourtant, tous ces gens-là faisaient ensemble de la politique. On avait créé un truc, sans le savoir, qui était une entité qui rassemblait tout ce beau monde et au-delà. Donc ça, c'était génial. D'autre part, il y a l'idée du nom qui est très importante, et je crois que ça a joué dans le succès, le nom ATTAC. C'est-à-dire, non pas résister, mais attaquer. Non pas défendre, mais passer à l'offensive. C'est pour ça qu'au départ, j'ai pensé à ce mot ATTAC, qui s'est ensuite décliné des pyramides. Moi, je l'ai décliné dans ma proposition comme association pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens. Et c'est autour de ça que se sont agglutinées beaucoup de volonté, beaucoup de résistance, aussi bien d'ailleurs en France, dans des branches très différentes de l'action économique et sociale, que dans des pays étrangers. Pour moi, ATTAC, c'est vraiment la question que l'expertise devienne une expertise citoyenne. Parce que, évidemment, cette mondialisation libérale, elle ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que c'est des choix politiques qui ont été faits par les gouvernements, par un certain nombre d'institutions internationales, etc., avec l'appui des gouvernements. C'est aussi contrecarrer l'idée qui se développe à ce moment-là du terrorisme alternatif de Margaret Thatcher, c'est-à-dire de la fin de l'histoire, quelque part. On est vraiment, lors de la création d'ATTAC et les années qui suivent, dans ce débat-là. Et ATTAC est pour moi un élément très important de réponse idéologique, argumentée, experte, pour montrer qu'il y a d'autres choix possibles que ceux qui sont faits et qui profitent qu'à une minorité. En décembre 1997, dans le numéro 525 du mensuel Le Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, alors directeur du journal, rédige un éditorial intitulé « Désarmer les marchés ». Un éditorial dans lequel il écrit « Le désarmement du pouvoir financier doit devenir un chantier civique majeur si l'on veut éviter que le monde du siècle à venir ne se transforme en une jungle où les prédateurs feront la loi ». L'article est un véritable réquisitoire contre la finance spéculative, avec à la clé une proposition concrète, l'instauration de la taxe Tobin. Il s'agit de taxer modérément toutes les transactions sur les marchés d'échange pour les stabiliser et par là même procurer des ressources à la communauté internationale. Ignacio Ramonet conclut son article par un vœu en forme de question : pourquoi ne pas créer à l'échelle planétaire l'organisation non gouvernementale Action pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens ? Autrement dit, ATTAC. Ce texte, Désarmer les marchés, est un manifeste. Et donc il est écrit comme un manifeste. Il est écrit pour gagner les esprits, pour toucher les cœurs. Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique de 1996 à 2006. Et donc, il est écrit d'une certaine façon qui porte. Et il a porté. C'est probablement un des textes Disons, le monde diplomatique a publié beaucoup d'analyses, continue de le faire. Mais dans l'histoire du journal, c'est un des textes qui a eu le plus d'influence. Ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi la publication du numéro de décembre, on a été submergé, à partir de là, on a été submergé d'appels, de lettres, de toutes sortes de choses, disant oui, il faut créer la taxe Tobin, etc. Et nous, on n'avait rien prévu. Bernard Cassen, directeur général du Monde diplomatique de 1996 à 2006. Ignace avait lancé une bouteille à la mer et on pensait qu'elle serait récupérée par quelqu'un d'autre que nous. Mais dès lors qu'on était sommé par les lecteurs de se bouger et de créer l'association, on a décidé de le faire. Vous vous souvenez avoir lu l'édito d'Ignacio Ramonet ? Oui, bien sûr, je l'ai lu parce que j'étais vraiment une lectrice assez assidue du monde diplomatique à cette époque-là, parce que c'était utile aussi pour mon engagement syndical. Annick Coupé, secrétaire générale de Sud PTT. Et effectivement, l'édito d'Ignacio Ramonet, bon, les éditos du monde diplomatique sont toujours des éditos assez pertinents, à la fois sur le fond et sur la forme, et assez punchy, et celui-là en particulier. Et surtout le fait qu'il se termine par l'idée, en fait, de construire quelque chose à partir de cette indignation sur le poids que prenait la finance dans le fonctionnement du monde et des sociétés. Alors, moi, j'ai pas fait partie des gens qui ont immédiatement dit « faut faire quelque chose, faut construire une organisation ». Je n'aurais pas cette prétention-là. Mais par contre, quand le monde diplomatique, Bernard Cassen nous a contacté et nous a invités, comme d'autres, à cette première réunion, on en a évidemment discuté collectivement au sein de mon syndicat, et tout de suite, on y a été vraiment en étant très enthousiaste sur cette idée, quoi. Le dépôt, c'est pas un tract, hein. C'est d'abord un journal. Un journal mensuel, mais un journal donc avec une logique propre à la presse, au journalisme de qualité. Et si vous lisez le monde diplomatique, vous verrez que les papiers sont signés par des journalistes, bien sûr, mais aussi par des chercheurs, des universitaires. On s'appuie sur les gisements d'expertise existants en France ou à l'étranger. Dans la continuité de ce que Claude Julien, notre fondateur, peut appeler le devoir d'irrespect. On ne gobe pas tout ce qu'il nous a offert. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup écrit sur qu'est-ce que le journalisme. Ignacio Ramonet. Et je crois qu'il est arrivé un moment, là, où finalement, cette idée que le journaliste, c'est ce personnage passif qui est un simple miroir posé sur le chemin, qui était la définition que Stendhal donnait du roman, et non pas du journalisme, eh bien, il y a quelque chose qui était choquant. N'est-ce pas ? Est-ce que le journaliste peut simplement assister à ce qui se passe ? Est-ce qu'il s'agit de reporter ce qui est en train de se passer ? Ou est-ce qu'il s'agit d'intervenir dans le milieu ? Ou est-ce que par sa simple présence, déjà, il modifie le milieu. Et un des reproches qui nous était fait à l'époque, une époque de très grande effervescence, une époque où on démantelait l'État social français, tel qu'il avait été instauré après la guerre, donc avec beaucoup de résistance sociale de tous ordres, eh bien, à ce moment-là, il nous était reproché d'avoir des analyses extrêmement, disons, entre guillemets, intelligentes, extrêmement pertinentes, etc. Mais la question était, puisque vous savez tout, passer à l'acte. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. En fait, cet édito et le journal va jouer un rôle qui est presque une anomalie. C'est-à-dire que ça joue le rôle que ne jouent pas à ce moment-là les organisations de gauche, en particulier les partis politiques de la gauche à l'époque. Christophe Ventura. chargé des relations internationales au siège d'Attac. Vous vous souvenez de l'époque, hein, on commence la cohabitation, la gauche plurielle arrive au pouvoir, on est là. Il y a l'affaire des crises asiatiques, financières, de la Russie. On est 6 ans après la chute du mur, où on est dans l'époque de l'hégémonie Fukuyama, la fin de l'histoire, la mondialisation heureuse à la main. Enfin, c'est vraiment ça le climat de l'époque. Hein. C'est maintenant la démocratie va se renforcer à mesure que le marché mondial va se globaliser et aspirer toutes les sociétés qu'il va civiliser. Enfin, on est vraiment là-dedans. Il n'y a plus de place pour tout ce qui conteste l'ordre qui est en train de se mettre en place. Bon, bah, une des seules voies un peu à contre-courant, c'est le diplo à l'époque. Parce que c'est pas le PS, c'est pas le PC, c'est pas les Verts, c'est une manière un petit peu mais limitée le NPA, enfin qui s'appelle pas NPA à l'époque, l'LCR, etc. Et Attac, à mon avis, est le prolongement, si vous voulez, de ça. Parce que précisément, elle répond à ce vide politique des années 97, 98, 2002, 2003, quoi. Mais faut pas oublier non plus, et moi pour moi ça compte, c'est 2 ans, 3 ans après le mouvement social de l'hiver 95. Mouvement social dont, je rappelle, le journal Le Monde avait titré que c'était la première grève contre la mondialisation libérale. Annick Coupé. L'idée que la finance prend de plus en plus de poids, mais que aussi cette mondialisation libérale faite pour la finance et pour les multinationales, c'est quelque chose qui commence à émerger, la compréhension de ce phénomène-là. Et donc, beaucoup de gens et beaucoup de réseaux, d'organisations se disent on ne peut pas laisser faire ça, quoi. Parce qu'on commence à comprendre les conséquences que ça aura sur les sociétés, donc, y compris en France, quoi. Depuis ce fameux virage de 82-83 du gouvernement français. Marc Le Glatin, chargé des questions culturelles au sein du bureau d'Attac entre 2000 et 2004. Alors que quand il avait été élu, il y avait le sentiment que quelque chose d'autre allait pouvoir se passer. Alors évidemment, avec un petit peu de lucidité quand même, on voyait bien le rapport de force à l'intérieur de la gauche et que les choses n'allaient pas être si simples. Au demeurant, en France, comme dans beaucoup de pays du monde, il y avait la conscience que ça y est, ça allait être en France que ça allait se passer. C'est-à-dire qu'une expérience, pour le dire un peu vite, de socialisme démocratique allait enfin être possible. Et cet espoir-là a été intégré vraiment dans les esprits, dans les consciences de toutes ces personnes qui se rattachaient à ce qu'on appelle historiquement la gauche, porté par alors la figure très complexe de Mitterrand, mais porté par une envie de développer une autre manière de concevoir la vie en société, une autre manière donc peut-être de produire, de consommer, de vivre. Et en fait, ce qui se passe, après quelques mesures effectivement emblématiques et tout à fait dignes d'être saluées, ce qui se passe, c'est que les rapports de force avec l'Allemagne en particulier font que, en ce début des années 80, on fait comprendre au gouvernement français qu'il y a une forme de normalisation qui va devoir s'opérer et qu'il va falloir choisir à un moment donné entre poursuivre, par exemple, la présence de la France dans la construction européenne ou pratiquer une politique qui s'attaque aux intérêts du capital. Et là, c'est une défaite idéologique d'année sur année, de mois sur mois. Il y a une forme d'humiliation là-dedans, d'humiliation intellectuelle en quelque sorte dans cette défaite. Et lorsque, une quinzaine d'années plus tard, même pas donc, hein, cet article paraît, je pense qu'il paraît justement en écho à toute cette déception teintée d'amertume et trouve l'écho qu'il a trouvé, à mon sens, quand on comprend ce que j'essaie de vous décrire auparavant. On ne peut pas autrement saisir ce qui s'est passé. Ce n'est pas un déclic, c'est l'accomplissement par le verbe et par une proposition concrète d'un ressentiment profond chez toute une partie de la population française, alors qu'il a été plus vif dans des classes supérieures et moyennes qui lisent ce type de publication et qui sont plus vite de plein pied, en quelque sorte, avec les débats d'idées. Mais ça a rencontré aussi une sympathie bien au-delà. J'ai 8 lascars. 8 lascars. J'ai envie de me sevrer. Ouais. J'ai 8 lascar kings. 8 lascar kings. J'ai envie d'en parler, ouais. J'ai ouï dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des Bush, des Yangtze, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politicos pourris qui pensent au nom du profit. J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir, parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai huit lascars qui fuient, lascars qui me saoulent. Au départ, j'ai l'idée de la taxe Tobin, bien entendu. Cette idée qu'au sein du néolibéralisme, c'est le marché d'échange qui est le cœur du mouvement. Hein, parce que c'est là que se font les très grands écarts en termes de bénéfices et de prospérité. Donc, c'est une idée simple que Tobin a proposée. Tobin est un Américain, c'est pas un fou extrémiste radical. Il a été conseiller économique du président Kennedy. Tout le monde aime le président Kennedy. La taxe Tobin, c'est une proposition qui avait été faite par le prix Nobel d'économie américain James Tobin, qui consistait à taxer les transactions sur les devises, la spéculation sur les devises. Bernard Cassen. Ça ne visait que ça. Mais Tobin ne le faisait pas du tout dans l'esprit d'attaque. Il faisait pour faciliter le commerce international par la stabilité des taux de change. Donc c'était une mesure technique que nous avons un peu détournée de son objectif initial. Tobin est un libéral, c'est pas un altermondialiste. Donc nous avons pris une autre direction, on va taxer les transactions sur les devises, ça ne portait que sur les devises, pas sur les actions, les obligations, les produits dérivés, c'était que ce compartiment-là de l'activité bancaire. Et Tobin, à qui j'ai téléphoné, n'était pas d'accord du tout pour qu'on utilise son nom. Donc les deux T d'attaque qui figurait dans le papier d'Ignacio, les deux T c'était taxe Tobin, donc on n'allait pas créer une polémique avec Tobin, donc on a décidé, on gardait attaque avec les deux T, mais les deux T devenaient taxation des transactions TT. Mais nous, on avait une autre vision, c'est que à partir de cette taxe, on allait créer un fonds géré par les Nations Unies, on pensait que c'était le PNUD qui devait gérer ça, et ce fonds aller aider au développement des pays en voie de développement, voyez-vous. Alors, comment a-t-on fait? On a dit, on va créer une association. Mais quel type d'association? Est-ce que c'est une association qui regroupera seulement des personnes physiques, vous et moi, ou bien est-ce qu'on peut l'ouvrir à des personnes morales, des syndicats, des associations, même à la limite des partis, mais ça, on ne l'a jamais formulé, on l'a laissé un peu en suspens. Donc on a opté pour cette deuxième solution, et donc on a fait des statuts qui permettaient l'adhésion de structures associatives ou syndicales. Pourquoi on a fait ça? Pour gagner du temps. Parce qu'on pouvait ainsi bénéficier, puisque, je ne sais pas, mettons le SNESUP, qui était la première structure que j'ai sollicitée, parce que je suis prof de fac et j'étais adhérent au SNESUP pendant que j'étais actif. Le deuxième, ça a été la Confédération Paysanne, que je connaissais parce que j'avais des contacts avec eux, et on les a, un par un, en quelque sorte, on les a choisis, et certains ont dit, mais oui, mais il faut celui-ci en plus, en moins, etc. Bon, en gros, on a stabilisé tout ça. Et on bénéficiait de la force de frappe individuelle de chacune des organisations. Organisations qui n'étaient pas nécessairement toutes d'accord avec tout. Hein. C'était un certain équilibre, mais on a gagné un temps fou, parce que chacune de ces organisations a fait savoir, dans ses relais en direction des adhérents, l'existence d'attaques. Et on a eu des candidatures spontanées d'organisations qui se sont proposées pour être membres d'Attaque. Attaque, bonjour. 7 mois d'existence et déjà 6200 adhérents. Nous sommes dans les locaux parisiens d'Attaque, une association mondiale créée à l'initiative de différentes publications, de syndicats et d'associations. Sa bête noire, les spéculateurs à la recherche d'un profit instantané. Attaque se bat pour faire taxer ce type de transactions financières. L'argent ainsi prélevé serait reversé aux organisations internationales pour des actions de lutte contre les inégalités. Une centaine de comités ont été créés en France. Une fois que ça a été créé, personnellement, je n'ai pas fait partie d'Attaque. Ils ont eu la gentillesse d'envoyer la carte numéro 1 du premier adhérent d'Attaque. Donc je suis un adhérent de base d'Attaque. Ignacio Ramonet. Ils ont eu la gentillesse de me nommer président d'honneur, mais je n'ai jamais fait partie de la structure d'Attaque en tant que directeur du monde diplomatique. Et Attaque a commencé sa vie, mais on prend très vite nos distances dans la mesure où il y a des membres du journal qui vont être des acteurs importants dans la vie d'Attaque, mais ce n'est pas le journal. d'autant que dans la rédaction, qui est une petite rédaction, une partie des membres de la rédaction ne sont pas d'accord avec cette idée. Non pas qu'ils ne soient pas d'accord avec le concept, mais ils ne sont pas d'accord avec l'articulation, bien entendu. Hein. Et donc, par conséquent, il n'y a jamais eu réellement d'articulation, même s'il y a eu un accompagnement, même s'il y a eu de la bienveillance, parce que, bien sûr, ça a été notre créature pendant longtemps. Ensuite, elle a vécu de sa propre vie et c'est tout à fait normal. Autre originalité de nos statuts, c'est qu'on prévoyait l'existence d'un conseil scientifique. Je cherchais qu'est-ce que c'est exactement qu'ATTAC. Et j'ai proposé comme définition une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Bah, le conseil scientifique d'ATTAC, on peut dire que c'est un des poumons en fait, d'ATTAC. Christophe Ventura. C'est pensé comme étant, un intellectuel collectif, c'est-à-dire une structure qui soit au service d'un projet d'éducation populaire, celui d'ATTAC, au service d'un projet de décryptage et de contre-offensive par rapport à une hégémonie idéologique et celle du néolibéralisme, en mettant en place les moyens d'attirer vers nous des chercheurs, des intellectuels, des journalistes, des syndicalistes, des praticiens, même si je n'aime pas trop le terme, mais de la société civile, c'est-à-dire des gens qui proviennent des associations, des ONG, etc. Essayer d'avoir une sorte de conseil qui va rassembler des producteurs, en quelque sorte, d'intelligence, d'analyse, au service d'ATTAC, donc dans sa durée. C'est ça l'idée du conseil scientifique, c'est qu'il ait aussi une durabilité. Et c'est ce qu'on va mettre en place, avec succès. Il s'agit de travailler à l'ouverture d'esprit, à faire bouger des lignes, ouvrir des champs de réflexion chez les citoyens d'une façon générale. Marc Le Glatin. Et de faire évoluer le logiciel de pensée, en particulier de gens qui se situent plutôt à gauche, mais même pas seulement cela, par rapport à toutes les conséquences de la mondialisation libérale qui est en marche. On était vraiment sur une voie, une autoroute face à laquelle, avec nos petites mains et notre action, nous entendions peser en diffusant les idées que nous pensions être justes et avec des moyens qui sont de la relation directe avec les gens, de la rencontre, du débat et pas du papier glacé distribué à centaines de milliers d'exemplaires. Bon, au départ, on s'est dit on va monter une espèce de think tank un peu élargi, quoi. C'est-à-dire un truc au mieux qui aura 2-3 000 adhérents. Jamais un truc à 30 000 adhérents comme on va avoir en 2002, avec 1 000 adhérents par mois à un moment donné, enfin un truc incroyable quoi à l'échelle de la société française. Après il y a une troisième couche qui va venir, c'est les comités locaux et qui vont être imposés, ils vont s'imposer d'eux-mêmes à l'association parce que les gens localement, bah ils font autre chose, ils font pas juste des cercles de lecture etc. Ils s'organisent, puis ils pèsent dans la vie locale, ils vont emmerder le maire, ils vont faire chier le député, ils ont une activité qui est beaucoup plus vivante et intense que les partis politiques localement, donc ça va être à la fois des choses qui vont être bien, et puis poser des problèmes aux partis politiques, c'est qui ceux-là, etc. Des nouveaux entrants, ça commence déjà là. Hein. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But Lauren say this love is best. Leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. Now take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The whistle calls my temper. Avec justesse. La direction d'ATTAC sent que ce qui s'est amorcé remue les entrailles de la société française, a le potentiel pour toucher juste aussi dans bien d'autres pays, et voyant que ça va vite, décide d'aller vite. Si bien qu'on décide d'organiser une rencontre des milieux artistiques qui sont à ATTAC. Et comme ça, mais ça, tout ça allait très vite. Sur un coin de table, avec Bernard, on lance quelques idées à mettre dans un courrier que Bernard Cassène va adresser à l'attention de ceux qui sont dans ces milieux-là. Rendez-vous est pris dans la salle du Divan du Monde, au pied de Montmartre. On se disait, si on a quand même 50 personnes, ce sera bien. Et en fait, c'est bourré, bourré, défiant toute mesure de sécurité, il y avait encore des gens dehors. Et donc, ce jour-là, des musiciens, des chefs d'orchestre se rencontrent. dans la même salle des flûtistes de l'Orchestre de Paris et des musiciens de rock, des metteurs en scène d'univers fort dissemblables, des humoristes, des grandes figures du cinéma, des écrivains, des graphistes. Et donc, les gens sentaient ça, d'où cet engouement. Ce qu'on ne voulait pas, en revanche, c'était tomber dans le côté « touche pas à mon pote », c'est-à-dire où la musique finit par compter plus que les paroles, quoi. Et que finalement, la substance de ce mouvement y perdit de l'intensité. Et d'autre part, on ne voulait pas non plus tomber dans, je dirais pas le piège, mais la tendance qu'avaient les principaux médias de nous représenter comme étant avant tout un truc festif, sympathique, folklorique. Faut bien que les jeunes exultent, faut bien que les jeunes puissent à un moment exprimer la petite subversion que les hormones fait pousser en eux, et que ce soit réduit à ça. Et on ne voulait pas tomber dans ce piège-là. Philippe, vous avez été un membre historique d'ATTAC. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu vent de cette organisation et comment vous y avez adhéré? Alors, je ne suis pas très fort dans les dates de façon générale. En revanche, ce dont je me souviens, c'est que j'étais déjà dans les Amis du Monde Diplomatique. Philippe Duchâtel, co-animateur du groupe local d'ATTAC Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu vent du fait qu'il y avait quelque chose qui allait se faire et que mon objectif, je dirais, mon objectif associatif en général, était justement de chercher un petit peu des endroits dans lesquels il y avait des plateformes de discussion qui permettaient à un certain nombre de courants de pouvoir s'exprimer et d'agir ensemble. Et l'idée de Ramonet, de faire un truc comme ça, m'a paru extrêmement pertinente. Et donc j'y suis rentré dans les années 2000, quand ça a été couplé avec les idées des forums sociaux mondiaux. Voilà, c'est ça qui m'a séduit, c'est le fait que ce soit très ouvert, ici et maintenant, et que ça brasse beaucoup de territoires. Et puis c'est la période où ATTAC va devenir une force de frappe internationale. Christophe Ventura. On arrive rapidement à avoir une structure qui va avoir 20, 25, 30 000 adhérents, c'est énorme, des ressources. Alors, pas gigantesque, c'est pas Amnesty International, c'est pas etc. Mais ATTAC va faire tout ce que ces structures n'ont jamais réussi à faire. C'est-à-dire, ATTAC va réussir à mobiliser, à convoquer tous les autres autour d'une table pour mettre en place les jalons d'un mouvement international basé sur l'idée « un autre monde est possible », rejet de la mondialisation néolibérale, de l'ordre guerrier, etc., enfin tout ce qu'on connaît. Et ATTAC va réussir ce tour de force-là, sur sa légitimité. À l'époque, période d'or, parce que ATTAC illumine, j'ai envie de dire, le mot est un peu fort, vous allez me dire, mais non, en fait, c'est vrai. ATTAC illumine un peu le champ médiatique, le champ des observateurs, tous les gens qui s'intéressent aux évolutions sociales et politiques s'intéressent à ATTAC. On croule à l'époque tous les jours sur les demandes d'interviews, les gens qui veulent venir faire des documentaires, enfin c'est un truc de fou, c'est même disproportionné, très franchement. Hein. On a l'impression qu'ATTAC devenait le 193e gouvernement de la planète. Hein. Et j'ajoute, juste pour être complet, dans la période précédente, j'ai oublié, dans l'international, et pourtant c'était mon travail, c'était la mise en place d'un réseau international des ATTAC qui a compté jusqu'à 55 antennes dans le monde. Donc, incroyable. On a monté tout ça entre 99 et 2003, quoi. Aux antipodes de Davos, Porto Alegre, c'est le rendez-vous de tous les pauvres de la planète et des mouvements anti-mondialisation. 27 janvier 2001. Il y a eu le temps des manifestations, comme à Seattle. Voici maintenant venu le temps de la réflexion et de la coordination pour imposer une alternative au système économique actuel. Champion de cette lutte, José Bové. À Porto Alegre, la France affichait une importante délégation de syndicalistes et de personnalités politiques, dont Daniel Mitterrand. Au total, plus de 10 000 personnes participent au premier forum social mondial, représentant 122 pays pour 6 jours de débats et d'échanges d'expériences. Il faut avancer la globalisation des droits humains. Il faut avancer. Do meu querido Amapá, mas lá o frio era forte. Eu precisava esquentar. Atravessei de Uba, atravessei Juba para o lado francês para tomar um tapia. ATAC a été une des associations internationales qui a également porté le projet du Forum social mondial. Ignacio Ramonet. Si vous lisez mon édito sur le premier Forum social mondial, je crois que ça s'appelait Le 21e siècle commence à Porto-Alegre, plus ou moins. Et ça a servi aussi de slogan, parce que c'était en janvier 2001 qui était le début du siècle. Donc, par conséquent, on avait l'idée qu'il fallait encourager ça. Et le premier forum, c'était un forum où il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais il a eu une répercussion mondiale, grâce au diplôme et grâce aux différentes éditions du monde diplomatique, et grâce à ATAC, et grâce aux différentes succursales, en quelque sorte, d'ATAC. L'idée, c'est de dire, il y a le Forum économique mondial tous les ans qui réunit le gratin du capitalisme international et de la finance, et des médias, etc. L'idée, c'est de dire, il faut faire un événement qui, en fait, soit le forum des peuples, en fait. Bon, ça, c'est toute la discussion qu'il y a entre le Diplo et les organisateurs brésiliens, qui va se passer en plusieurs étapes, dont une en particulier ici, là, en face, où il y a une conversation entre Kassen et puis... Chico Whittaker et Odette Gradège, qui sont les Brésiliens qui cherchaient à faire un événement, mais eux, ils pensaient le faire en Europe, en fait, dans le premier monde. Et nous, on leur a proposé de le faire dans le nouveau, justement, avec l'opposition Nord-Sud, etc., etc. Bon. Et donc, voilà, l'idée, c'est de dire, il faut un événement qui nous donne une visibilité internationale, qui soit un événement ouvert, et qui soit un événement qui donne la pareille à Davos. Sachant qu'ATAC avait déjà joué un rôle très important dans le Davos précédent, puisque en fait on avait été prendre d'assaut la montagne à Davos. Quelques mois auparavant, on était là-bas, on avait fait un premier contre-sommet, on inventait la forme du contre-sommet, il y en aura d'autres à Seattle, etc. En face des enceintes où négocient de manière en huis clos fermé les puissants, les dominants, il y a les peuples organisés, rassemblés, etc. Cette idée-là, on l'a inventée là. Moi, comme ça... A priori, Bernard Cassen. Il n'y avait pas de pays qui réunissait de meilleures conditions que le Brésil. Parce qu'il y avait des mouvements populaires très importants, le PT, le MST, enfin, il y avait un tissu de lutte important au Brésil, et on avait des appuis aussi dans un certain nombre d'États, notamment dans l'État de Rio Grande do Sul. Donc, je dis à mes camarades, là, il faut le faire au Brésil, et au Brésil, je vois pas mieux que Porto Alegre. Et ça, c'est un petit coup de com'... de journalistes, comme vous voudrez. Je dis, ce qu'il faut faire, c'est les faire les deux en même temps, les forums Davos, et les mêmes jours, Porto Alegre. D'ailleurs, le patron du forum de Davos a dit qu'on lui avait volé son calendrier, on lui avait volé sa date, parce qu'on a bénéficié de la pub du forum économique mondial. ATAC va devenir la cheville ouvrière, ATAC va devenir la puissance de convocation des autres, ATAC va... mettre des moyens, ATAC va emmener, alors là aussi vous pourrez les retrouver, mais on a dépensé sans compter, on a affrété des avions quasiment, on a fait venir des groupes qui venaient des pays du Sud, des syndicalistes, des intellectuels, des militants d'Afrique, d'Asie, etc. On a contribué, on a créé un fonds d'urgence de solidarité pour financer la possibilité pour tous ces gens d'être présents, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait, quoi. Dire, si on doit être fier d'un truc un peu fier, on l'est un peu, faut pas se mentir de ça, c'est que précisément ça a été cette capacité de fédération et de faciliter des alliances qui n'allaient plus de soi et des choses où on arrivait à faire ce que les gens étaient ensemble alors qu'ils ne se parlaient pas beaucoup en dehors en fait. Dans un forum comme le Forum social mondial, ça fonctionnait comme une université, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y avait soit des intellectuels, Chomsky, Saramago, etc., bon, qui venaient théoriser le moment que nous vivions, soit des acteurs syndicalistes, pour la plupart, qui venaient raconter comment eux avaient réussi à stopper l'avancée du néolibéralisme dans, par exemple, des entreprises de privatisation, comment ils les avaient stoppées. Et c'est comme ça que un certain nombre de dirigeants politiques, Fernando Lugo, qui ensuite sera président du Paraguay, beaucoup de dirigeants politiques sont venus au forum et sont partis de là avec l'idée qu'on pouvait aujourd'hui construire un discours politique qui gagnerait l'opinion publique nationale, qui les porterait au pouvoir, et c'est ce qui s'est passé. Notre protest pacifique. conseguir nos convencer. Capitalismo não capere quem trabalha. Nossos direitos só a luta faz valer. Je pense que c'est quelque part la réinvention finalement de l'internationalisme à ce moment-là. Annick Coupé. On dépasse les frontières et l'idée c'est qu'il y a sur l'ensemble de la planète des mouvements sociaux qui sont très divers. Ça peut être des mouvements de paysans, ça peut être des mouvements de femmes, ça peut être des syndicats, ça peut être des réseaux qui luttent pour le droit à l'eau, pour le droit à la terre, etc. Donc les forums sociaux vont être l'espace qui permet à un syndicat paysan de parler avec un mouvement de femmes, qui permet à un syndicat d'une multinationale en France d'aller parler avec une ONG qui agit contre le travail des enfants, par exemple, en Asie ou en Inde, etc. Bon, ça va pas forcément être toujours simple, hein, parce que, évidemment, quand vous mettez une diversité de mouvements sociaux, issus de pays, traditions différentes, ensemble, c'est pas si simple que ça. Mais, en tous les cas, pour moi, ça redonne l'idée que on ne s'en sortira pas en pensant les choses qu'au niveau national, quoi. Les grandes manifestations qui se déroulent dans ce début des années 2000, fin des années 90 à Seattle, puis... Marc Le Glatin. J'y étais à Gênes en 2001 avec cette manifestation réprimée de façon extrêmement violente par la police italienne qui avait causé la mort d'un jeune Italien. On voit que dans ces manifestations, il y a des formes nouvelles de rapports de force dans le champ politique... Fin des années 90, début des années 2000. L'actualité de ce samedi 21 juillet, c'est aussi le sommet du G8 à Gênes, en Italie. La mort hier d'un jeune Italien tué d'une balle en pleine tête par la police n'a pas empêché de nouveaux incidents cet après-midi en marge de la grande manifestation anti-mondialisation. On fait le point tout de suite avec Pascal Golomer et Gilles Jacquier. La manifestation se voulait massive. Avec 200 000 personnes, l'objectif est atteint. Mais les organisateurs n'ont pu éviter les violences. À l'approche de la zone rouge, quelques centaines d'éléments tout au plus veulent forcer le passage. Le cortège, lui, tente d'avancer malgré tout sur une avenue à l'écart. Moi, j'y suis allé avec Attac, Philippe Duchâtel. Et donc, j'ai participé à tous les mouvements qui avaient été faits sur place, c'est-à-dire que... On rappelle ce que c'était que l'occupation à l'époque du G8. C'est un jeu symbolique qui essaye d'exprimer que, aux yeux des dominants, la capacité des résistants que nous sommes de continuer à occuper des territoires malgré l'enfermement militaire qu'ils mettent en place est quelque chose que, avec lequel on veut bien rivaliser. Voilà. De façon non violente. Donc, ce qui se faisait de la part de tous les occupants là-bas sur place, c'était d'essayer de gagner des points de territoire, de se mettre à des endroits et de pouvoir continuer à faire ces conférences, ces animations circassiennes, enfin je veux dire tout un tas de choses. Et moi j'ai ce souvenir-là d'un moment qui est très difficile, qui est effectivement le moment où on apprend que il y a eu effectivement des heurts qui ont tué un jeune garçon, Carlo Giuliani. Et donc ça, évidemment, ça, je me rappelle que c'était une immense tristesse à ce moment-là. Et puis surtout, je me rappelle du moment le lendemain, parce qu'on a discuté toute la nuit pour savoir est-ce qu'on allait maintenir le mouvement, est-ce qu'on allait organiser le lendemain une manifestation, parce que ça fout la trouille, hein. Donc tout le monde discutait localement dans chacune de ces associations, de ces groupements, pour essayer de faire converger. Et tout le monde a fini par dire, puisqu'on ne votait pas, donc on ne peut pas dire qu'il y avait une majorité, on a dit non, on est là, on y reste, il n'est pas question de renoncer, ne serait-ce que pour la mémoire de ce gars-là, et pour le fait que si on recule là, on est foutu. Et donc on a fait la manif le lendemain, moi j'ai participé au service d'ordre, au nom d'attaque, on s'est engagé, on a eu très peur. Parce qu'effectivement, il y avait plus de 300 000 personnes, donc c'était immense. Et puis il y avait une très très grosse colère, quoi. Le vent l'emportera. vent l'emportera. On arrive en 2003 avec une organisation qui a pris une place démesurée. Encore une fois, hein, je pense qu'ATTAC est une anomalie historique. Elle a eu une importance qu'elle n'aurait pas dû avoir, en vérité. Mais elle l'a prise. Et à l'époque, le rôle de Bernard va être fondamental. Parce que Bernard va dire, pour ATTAC France, maintenant, il y a une question supplémentaire qui est posée. C'est la question européenne. Parce que la question européenne, elle va à l'échelon continental incarner toutes les batailles sociales qu'on va avoir dans l'avenir, etc. Donc c'est ce débat-là qu'on a. Bon. Et puis après, Chirac décide de faire le référendum, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, vous souvenez, hein. Mais il décide, pour des raisons qui sont les siennes, de faire un référendum. Et là, bah, du coup, se pose la question, mais qu'ATTAC n'a pas anticipé ou théorisé avant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dans ce référendum ou est-ce qu'on ne fait pas la campagne? Franchement, ce débat-là, il a été complexe dans l'ATTAC. Très complexe. Alors nous, notre position, c'était on fonce. Puis d'autres étaient plus réticents, en particulier les syndicats. Ah oui, mais attendez, là, c'est plus la même chose. Est-ce que ATTAC doit participer à... Bah, est-ce qu'il y a une campagne électorale, quoi? Ça va être une campagne électorale, c'est un référendum. Est-ce que c'est le rôle d'une association comme ça? Bah oui, c'est le rôle. C'est une question populaire. En plus, on va pas voter pour des candidats. On vote pas pour quelqu'un. On vote pour un contenu. On vote pour un projet de société. Donc c'est notre rôle. Oui, oui. Ah non, on n'est pas d'accord, etc. Et je dis maintenant, avec 10 ans de recul, à l'époque, on voyait pas ça, parce que quand vous êtes la tête dans le guidon, ça se passe pas comme ça. Mais à l'époque, les syndicats, et je le comprends même mieux maintenant en ce qui me concerne, les syndicats, je vois bien leur problème. Ils se disent, merde, nous, on a un référent sur les questions européennes, c'est la Confédération Européenne des Syndicats, la CES, qui, elle, est partie prenante du projet qu'ATTAC veut dénoncer. Donc les syndicats, ça, ils commencent à se retrouver tiraillés. Et Solidaires, à l'époque, eux sont tout à fait d'accord avec nous. Parce que eux, ils sont plus radicaux, ils sont pour justement pressuriser la CES, qu'ils trouvent trop, comment dirais-je, convertis au libéralisme. Moi, je suis d'accord avec eux, etc. Bon, en fait, finalement, bah, on a activé quelque chose de ce côté-là, quoi. Et le cheminement, bah, il nous emmène à la campagne du TCE, qui va être fantastique. Enfin, pour ceux qui étaient en tout cas pour le nom, on a fait un truc de fou, encore une fois. On a animé une campagne civique où on a fait revivre, la noblesse, en fait, de la citoyenneté en France, de ce que c'est qu'un moment républicain dans ce pays. On l'a fait revivre, il a existé. Donc, c'était fantastique, c'était l'apogée, mais c'était le début des emmerdes. Puisque après, on rentre dans une autre phase où ces débats-là qu'on commençait vont pas se solutionner, en fait. Bah oui, ce temps fort-là, les temps qui ont précédé cette victoire-là, c'était formidable parce qu'il y avait une réelle dynamique. Et puis là, vraiment, le message d'éducation populaire d'ATTAC était vraiment super bien relayé et très très bien utilisé. Il suffit juste de savoir lire ou de savoir écouter et de se mettre ensemble pour avancer quelque chose. Et c'est vraiment ça qui s'est fait. Et ça, vraiment, moi, j'en ai des frissons quand je l'évoque encore. C'est vraiment une campagne qui a été vraiment formidable. Et voilà, c'est ça le... Les choses dont je me rappelle le plus aimablement, c'est celle-là. C'est celle où on était tous ensemble, vraiment sur ce coup-là. C'est peut-être presque la fonction historique, une des fonctions historiques les plus importantes de ce mouvement en France. Et le pied de nez, c'est que ça n'a pas servi à grand-chose, puisque Sarkozy et les socialistes se sont assis dessus pour accepter une réforme constitutionnelle adoptée par voie parlementaire, dans le mépris du vote des électeurs. Mais je pense quand même que ce qui s'est passé en 2005 marque le plus haut point atteint de l'influence de l'association d'ATTAC dans la société française. En 2006, sur fond de vives tensions internes, ATTAC s'apprête à élire son nouveau conseil d'administration. Des élections finalement annulées à la suite d'une forte présomption de fraude. Un épisode houleux qui entraîne une nouvelle élection et la nomination d'Aurélie Trouvé au poste de coprésidente de l'association. Aurélie Trouvé, est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu l'édito d'Ignacio Ramonet ? Non. Je te franche. Non, parce que je suis arrivée après, bien après cet édito. Moi, je suis arrivée 2003, donc c'était quelque part un peu l'apogée du mouvement altermondialiste. et en fait par Attaque Campus, hein, qui était active sur ma fac. Il se trouve que il a commencé à y avoir des tensions très importantes dans Attaque Nationale. Alors moi, j'étais très attachée à l'association. Ça a été, en fait, moi, ça a été mon premier engagement. Hein. Attaque, j'avais jamais milité ailleurs. Hein. Et pour plein de jeunes, c'était pareil dans Attaque Campus. Enfin, c'était notre premier engagement. Et là, à partir de 2005, on observe vraiment des tensions très fortes dans Attaque, politiques, avec la direction de l'époque qui souhaite, en fait... selon nous, en tout cas, faire en sorte qu'Attaque devienne petit à petit une formation politique, hein, puisque il y a eu des listes qui se sont constituées aux européennes, des listes altermondialistes, qui étaient clairement issues d'Attaque, avec des responsables d'Attaque dedans. Donc ça, déjà, pour nous, c'était une rupture. Hein. Pour nous, c'était inacceptable. Hein. On était à Attaque aussi, parce que c'était pas un parti politique. Qu'est-ce que vous inspire la crise qu'a vécue Attaque entre... 2005 et 2006 notamment. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça, à un moment, ça m'a inspiré beaucoup d'énervement au moment où c'est arrivé, hein, puisque nous, ça a empêché le groupe de Malakoff d'avoir une vie normale. Hein. Les gens ont fait quelques réunions sur le sujet en disant comment est-ce qu'on peut faire quand le haut de la pyramide reproduit tout ce qu'on combat le reste du temps. Ça, c'était vraiment le discours de base. Hein. Les gens disaient, je vois pas pourquoi on se ferait chier à être dans un mouvement comme Attaque, si c'est pour qu'ils travaillent aussi mal que les gens dans les partis politiques. Alors après, bon, tout est un peu compliqué. Moi, ce que j'en ai... Après, ça m'a déçu, parce qu'effectivement, le traitement même qui a été fait en interne, j'ai compris qu'il y a des lignes d'opposition. Je suis par ailleurs dans des sections syndicales, avec des responsabilités syndicales, donc je vois très bien ce que c'est la gestion des appareils à l'intérieur, etc., quand il y a du monde, les lignes majoritaires. Je vois bien ces emmerdements-là, mais en revanche, c'est vrai que j'imaginais que dans un mouvement comme celui d'Attaque, avec une assez grande probité et très belle honnêteté, on soit dispensé à tout jamais de ce genre d'emmerdement. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc après, j'ai été déçu que même en interne, la contestation n'ait pas été judicieuse. Voilà. C'est pour ça que je suis parti, moi. Et puis, en tant qu'adhérent, je me suis dit non, moi je peux pas laisser mon adhésion à un système comme celui-là dans lequel j'ai plus aucun moyen ni de travailler sur le terrain, ni de modifier la structure démocratique qui était là-dedans. Donc je dis je préfère partir, voilà. Et pour y revenir, j'y suis revenu 4 ans plus tard. Ça a été très dur au début, les premières années, parce qu'il a fallu reconstruire Attaque. D'abord, personnellement, on a pris un sacré coup. Hein. Nous, enfin moi, à 26 ans, c'était une leçon politique en accéléré, très brutale. Je me souviens qu'à l'époque, là, en 2006, 2007, 2008, quand je disais oh, bah, « je suis coprésidente d'Attaque, je m'en excusais presque », on me répondait « oh là là, mais Attaque est pas morte ». Enfin, voilà, pour vous dire le champ de ruines sur lequel quand même on était, on est passé de 30 000 à 10 000 adhérents en quelques années. Et donc, on a reconstruit ça patiemment. Et petit à petit, on a repris une légitimité forte, je pense, aujourd'hui, dans le mouvement social. Donc, ça a été une longue, longue reconstruction, y compris d'essayer de panser les plaies et d'inclure quand même tous ceux qui sont... D'abord, tous ceux qui avaient pris position aussi pour l'autre partie de la direction, quoi. Hein. Expliquer qu'on pouvait quand même tous continuer ensemble, que Attaque, c'était aussi un lieu de débat et qu'on pouvait continuer à avoir ces débats-là qu'on a eus avant 2006, dans un cadre plus serein. Et c'est ce qui a amené aussi, je pense, à une profonde réflexion dans Attaque. On a été obligés, en fait, hein, sur la démocratie interne. Ce qui nous a amené à chambouler plein de choses sur la manière de fonctionner. D'abord, d'avoir des coprésidents, puis des porte-parole, d'ailleurs, en se disant, mais en fait, c'est pas des présidents, c'est des porte-parole, mais il y a un conseil d'administration, un bureau qui doivent être forts. Tout de même, en écoutant aussi les critiques qui avaient été faites et en donnant moins de poids aux fondateurs dans le conseil d'administration et plus de poids aux autres membres, et essayer de faire en sorte que les adhérents et les comités locaux eux-mêmes aient plus de poids dans l'association. Donc tout ça a été... Enfin, quelque part, on a été obligé de le faire, et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi un laboratoire associatif de cette démocratie en interne, quoi. Je pense que l'association aurait pu en mourir. Bon, ça n'a pas été le cas, et heureusement, l'association a fêté ses 20 ans cette année. On a 10 000 adhérents aujourd'hui, effectivement, c'est loin des 30 000 du début. Bon... Je dirais que c'était assez normal qu'il y ait une certaine dynamique au début, que ça, toute association a un peu cette histoire-là, après ça peut retomber. Il faut aussi dire que, au-delà de cette crise interne qui a joué, je pense que la période du mouvement altermondialiste qui fonctionnait énormément, où il y avait une énorme dynamique, connaît des difficultés. c'est clair. Pour autant, je continue de penser que rechercher des alliances au niveau international et au niveau européen reste, même si c'est une tâche difficile aujourd'hui, reste à mon avis absolument indispensable. Donc on a intérêt à pas lâcher ce que j'appelle moi l'internationalisme que ATTAC a porté et qui a été porté par ATTAC. Aurélie Trouvé, quelle est la place aujourd'hui au sein d'ATTAC de cette idée première des origines, à savoir une taxation des transactions financières ? Aujourd'hui, eh ben, elle est toujours très présente tout de même. Mais alors, c'est la taxe sur les transactions financières, quelque part, on a une victoire à ATTAC. C'est qu'on a réussi à en faire une question, disons, très présente dans le débat. C'est-à-dire que quand on a sorti cette proposition, on était des révolutionnaires gauchistes marquée au fer rouge, hein. Et en fait, c'est une idée qui petit à petit a fait son chemin et quelque part sur le plan idéologique, on a gagné. Parce que c'est une idée qui aujourd'hui est reprise par beaucoup de cercles politiques, associatifs et économistes, hein. Mais quelque part, on n'a pas encore gagné sur le plan très concret des politiques publiques. Et donc voilà, on en est là, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue sur le plan idéologique à porter cette proposition. Et je crois que c'est ça l'apport d'ATTAC. Montrer que on peut aller chercher cet argent par la lutte contre l'hégémonie financière, contre les multinationales. Merci à Bernard Cassen, Annick Coupé, Philippe Duchâtel, Marc Le Glatin, Ignacio Ramonet, Aurélie Trouvé et Christophe Ventura. Prise de son Gilles Gallinaro, Martin Guénard et Julien Calvas. Mixage Alain Joubert. Numéro 525 du Monde Diplomatique, la naissance de l'association ATTAC. Réalisation Séverine Cassard, un documentaire de Romain Masson. Voilà pour cette émission et cette série sur l'internationalisme que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture. Demain, l'émission d'actualité de la Fabrique de l'Histoire sera consacrée à l'annonce qui va se faire dans la journée, d'après ce que disent tous les journaux ce matin, de la reconnaissance du rôle de l'État dans la mort du mathématicien Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie en 1957. Demain, nous reviendrons sur cette actualité. Et d'ici là, vous pouvez toujours écouter sur le site de France Culture l'émission du 14 juin dernier, dans laquelle nous évoquions déjà avec l'historienne Sylvie Thénault cette affaire Audin. C'était dans La Fabrique de l'Histoire le 14 juin avant l'été.